Et maintenant, une chanson en forme de mode d'emploi ou comment communiquer sur l'incommunicabilité. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On s'en est trop dit au passé. À tourner autour du pot, on finit par devoir recoller les pots cassés. Je te dis ou je te dis pas, je tourne mes mots dans ma bouche. Cette fois, je serai pas farouche. Ces mots dits, non dits, qu'on dit, en dire long quand la parole dort. Lâchement. On s'en est trop dit ou pas assez. À tourner autour du pot, on finit par devoir recoller les pots cassés. Tu me dis ou tu me dis pas, ah, le mot qui tue, mord dans l'âme, sans foi ni faire la fine âme. C'est maudit, maudit qui paie content quand la parole est d'argent. S'en est trop dit ou pas assez. À tourner autour du pot, on finit par devoir payer cher, trop cher, les pots cassés. Pourtant, allons à la bouche, à la fin se brise le silence de Roland. Merci.